Le dimanche a eu lieu le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de la Compagnie Générale des Assurances Nationales de Corée, en présence des cadres intéressés, du personnel de la Compagnie Générale et des assureurs de toutes les provinces, villes et arrondissements. Rappelons que la Compagnie Générale est empreinte des exploits impérissables du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui ont avancé l'idée et la théorie en faveur d'édification des assurances originales, fondé l'établissement des assurances authentiques du peuple pour la première fois dans le pays et conduit dynamiquement les affaires en la matière pour faire contribuer à l'amélioration du bien-être de la population.